c'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Comme le leitmotiv d'une symphonie, ces mots se retrouvent tout au long du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, chapitre qui, depuis quelques semaines, fait l'objet de notre étude hebdomadaire sur les ondes et où je vous invite à nouveau à ouvrir votre Bible. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, David et bien d'autres sont cités en exemple. Dans cette nuée de témoins, le quatrième géant de la foi attirera aujourd'hui notre attention. C'est Abraham, à qui l'apôtre Paul attribue le rôle de « père des croyants » dans l'Épître aux Romains au chapitre 4. Abraham est donc le modèle par excellence de la vie de foi dans laquelle tous les croyants sont appelés à entrer. Nous lisons Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Il y a près de 4000 ans qu'en vertu d'un acte de sauvetage du Tout-Puissant, le païen Abraham est entré sur le chemin de la foi. Abraham habitait Ur en Chaldée, une ville située près du delta de l'Euphrate, à proximité du golfe perso-arabique. Les archéologues ont relevé dans ces ruines les traces d'une civilisation très avancée, d'une science exceptionnelle, voire même d'un luxe inimaginable. Abraham, citoyen de cette métropole de l'Antiquité, menait probablement grand train de vie. Il habitait vraisemblablement une maison imposante lorsque Dieu l'appela à tout quitter pour marcher dans ses voies. Pendant des décennies, il avait servi les dieux païens et participé aux fêtes idolâtres, organisées à la ziggourate d'Ur, cette haute pyramide où des sacrifices étaient présentés aux divinités babyloniennes. Puis, le Dieu de gloire lui apparut, et cette révélation bouleversa ses conceptions, ses habitudes et son mode de vie. L'Éternel s'adressa à Abraham en ces termes. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, 1 à 3. Abraham n'avait aucun intérêt à sortir de sa patrie, la Chaldée. Pourquoi quitter cette civilisation à la pointe du progrès et la ville d'Ur qui lui assurait confort et instruction, sécurité et prospérité? Pourquoi s'engager dans une entreprise hasardeuse ne comportant que des dangers pour les siens alors qu'il avait sur place tout ce qu'il fallait pour être heureux? Lorsqu'Abraham fit ses préparatifs pour quitter la ville d'Ur, ses proches et ses voisins ont certainement cherché à le retenir. Cependant, devant sa détermination, ils ont, selon toute vraisemblance, franchi un pas de plus en le couvrant de ridicule. « Abraham, quelle idée saugrenue tu as de quitter notre cité magnifique, ta belle maison, de vendre tes biens pour prendre le bâton de pèlerin et t'engager dans une aventure audacieuse dont tu ne connais pas l'issue? Ne veux-tu pas penser un peu à ta femme Saraï ? Et ménager ton vieux père Térak qui, lui, ne peut pas se séparer de toi? Songe aussi à ton neveu Lot, à qui il pourrait arriver quelque malheur. Peux-tu leur garantir sécurité, gîte et nourriture, alors que les routes ne sont pas sûres et que les pillards menacent les caravanes? Et alors, Abraham, dis-le-nous une fois pour toutes, pourquoi veux-tu partir? Où veux-tu aller? Où vas-tu aboutir en dernier ressort? Je devine la réponse d'Abraham, vague, évasive. Puis, fatigué par l'insistance de ses concitoyens, il aura déclaré « Je pars, mais je pars sans savoir où je vais. » Alors les quolibets ont dû redoubler de plus belle. Peut-être même a-t-on pensé que le fanatisme d'Abraham avait déséquilibré son esprit et que c'était le moment de le faire soigner. Pourtant, il ne se laissa pas désarçonner. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Genèse 12, 4. Il obéit et partit sans savoir où il allait, précise l'Épître aux Hébreux. Pour lui, l'exacte destination géographique du voyage importait moins que l'obéissance implicite aux ordres reçus de Dieu. Abraham partait en réponse à l'appel du Seigneur, certain de la fidélité de Dieu et persuadé qu'il allait lui montrer au fur et à mesure la direction à prendre. Pourquoi une telle conviction dans l'attitude d'Abraham? Pourquoi cette fermeté inébranlable? Pourquoi cette détermination à ne vouloir que ce que Dieu veut? Il me semble que je trouve la réponse à ces questions dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes, au chapitre 7, nous lisons, c'est le diacre Étienne qui parle. « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens. Actes 7, 2 à 4. Abraham avait rencontré le Dieu de gloire, un Dieu dont la gloire éclate dans ses œuvres du monde physique et encore davantage dans ses plans de grâce pour le monde, le don de son Fils pour sauver les hommes. Quel abîme séparait la gloire transcendante du Dieu du ciel et les idoles impuissantes du rang chaldée. Aussi, ce qui jusqu'alors avait impressionné Abraham ne l'impressionne plus. La révélation du Dieu de gloire a éclipsé l'attrait des fêtes païennes et les contraintes de la civilisation de l'époque. Même les considérations légitimes de l'existence sont passées pour lui à l'arrière-plan. Puisque le Dieu Tout-Puissant fait à Abraham l'honneur de l'inviter à entrer dans ses voies, il quitte Ur-en-Chaldée et s'en va vers l'inconnu. Au départ, il ne connaît pas les coordonnées géographiques du pays promis. Mais un jour, il entrera en possession de l'héritage et atteindra ainsi les objectifs fixés pour lui par le Dieu de gloire. Et dans l'immédiat, ce qui compte, c'est d'obéir et de partir, sans plus s'occuper des avis contraires exprimés autour de lui. La foi d'Abraham est un exemple pour nous qui vivons non pas 20 siècles avant Jésus-Christ, mais 20 siècles après. Il est dit d'Abraham, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4, 17. Comment, dans nos circonstances, pouvons-nous marcher dans la foi au Dieu de gloire comme notre père Abraham? Nous n'avons ni à nous expatrier, ni à dresser notre tente au désert pour suivre son exemple. Abraham a honoré Dieu en prenant le Seigneur au mot, persuadé qu'il était de l'accomplissement de sa parole. Et c'est là ce que Dieu attend de chacun de nous aujourd'hui. Quand une fillette ou un garçon présente au Seigneur Jésus, dans la ferveur de sa foi enfantine, le sujet de prière qui lui tient à cœur, le Seigneur en est honoré et il se plaît à exaucer la prière de cet enfant. Quand un adolescent refuse de tricher en classe parce qu'il sait dans sa conscience que Dieu ne saurait approuver la fraude, il fait preuve de foi. Il honore Dieu qui alors se plaît à aider cet adolescent dans ses examens scolaires. Quand un jeune homme ou une jeune fille recherche d'abord la pensée de Dieu au sujet de son avenir, le Seigneur en est honoré et il se plaît à répondre à cet acte de foi. N'a-t-il pas dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 33. Quand des parents mettent Dieu à l'épreuve dans une situation matérielle difficile ou devant un problème concernant l'éducation de leurs enfants, le Seigneur récompense leur attente et intervient en leur faveur. Quand des croyants consacrent une partie de leurs biens en offrant un don à l'œuvre du Seigneur, Jésus-Christ est réjoui de leur acte de foi et il pourvoit à leurs besoins selon ses richesses et avec gloire. Philippiens 4, 19. Quand, pour se conformer aux critères de la parole de Dieu, un homme d'affaires chrétien renonce aux pratiques douteuses couramment utilisées autour de lui mais répréhensibles, Il perd peut-être certains avantages financiers. Mais il honore Jésus-Christ par sa foi et Dieu le bénira d'autant plus. Quand un enfant de Dieu met sa vie à disposition du Seigneur pour partir sur terre missionnaire, il s'engage par la foi sur un chemin difficile. Mais le Seigneur lui accordera en héritage un pays promis, c'est-à-dire de nombreuses âmes sauvées. Enfin, quand sur son lit de mort, un croyant démontre que son plus grand désir est de partir vers Jésus-Christ, ce qui pour lui est beaucoup le meilleur, il glorifie son Seigneur et sa foi agissante le secourt au moment de l'épreuve suprême. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11.1. La foi d'Abraham était pratique. Elle a transformé son existence. Elle l'a fait entrer dans le plan de Dieu, plan qui a dominé l'histoire du monde pendant 40 siècles et qui la domine encore. Les hommes ont besoin de voir, en tout ce qui se réclame du Seigneur, les effets pratiques d'une foi implicite qui s'inspire des promesses de Dieu. Que la révélation du Dieu de gloire nous saisisse et nous transforme à notre tour, afin que nous puissions marcher sur les traces d'Abraham, le père des croyants. Chers auditeurs, peut-être n'avez-vous qu'une très petite foi, mais qu'importe, vous avez un très grand Dieu et c'est cela qui compte.